l'idée aussi là, de cette deuxième rencontre sur la Géorgie, c'est de voir comment dans un pays qui a été un pays important à un moment donné du cinéma et d'animation, d'un seul coup, non, il, est pas il y a un renouveau. C'est pas mal, hein. Et c'est super important. Et même Olivier Barre, donc ça devient carrément. Voilà, c'est un peu. Et il me semblait important, donc bon, c'est pas grave, parce qu'au moins, comme toujours dans ces rencontres, ça sera enregistré, donc on passera, et j'espère que des gens l'écouteront un petit peu. Mais ça me paraissait absolument fondamental. Aujourd'hui, la compréhension enfin du Festival d'Annecy, avec cette section notamment perspective, de prendre en charge et de réfléchir sur des cinématographies, on va dire, qui sont hors occidentales et hors asiatiques, qu'on voit énormément. Et donc c'est pour ça que je voulais, à un moment donné, j'ai demandé à Olivier Catrin donc de venir et de nous parler un tout petit peu, parce qu'il est un moteur, on va dire, de ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie, de nous parler un petit peu de ça. Alors, on va switcher, je pense, entre anglais et français pour faire cette rencontre. Moi, quand j'ai fait la petite... j'ai regardé, alors il faut savoir quelque chose, il y a eu... Alors, je suis complètement désolé parce que je ne suis pas un connaisseur. Il faut que tu leur parles en anglais, hein, parce que sinon ça va pas aller. I don't know much about Georgian English, and I just look around and see that there was some stuff in the 30s, 40s, and 50s. I took really, so please don't... judge on what I found, and maybe you will see it. Voilà, donc il y a quelques films géorgiens sur les années 50 sur un site. Alors il y a des choses comme ça. Hein. Il y a des choses complètement différentes, comme là, Kokanika, vous voyez, avec des choses qu'on peut connaître dans l'esthétique assez particulière. Ou. I know. Voilà. Et mais du volume aussi. Là, je vous ai montré pas mal de choses pour jeunesse et des choses assez. Ça demande comme ça, comme du volume qu'il y a à l'époque. Faut savoir que le. Alors, ça, j'ai trouvé tout ça sur un site qui est sûrement pas légal. qui s'appelle Georgian Animation. Donc, vous pouvez trouver. Voilà. Donc, I'm sure it's not legal. But you can find some stuff like that. Et donc voilà, donc on a, y a plein de choses, notamment savoir qu'on a retrouvé aussi visiblement voilà, dès les années 30, puisque là, hop, je ne vais pas y arriver, c'est un petit peu le fait, voilà, mais là c'est, hop, un PDF avec une image, vous n'allez pas la voir, tant pis pour moi, qui est en fait une, vous allez voir rapidement si je la mets comme ça, vous ne la voyez pas bien, vous la voyez pas bien. En fait, dès les années 30, il y avait du cinéma en Géorgie, from the 30s, there was cinema, invested cinema in Georgia. Little 20 until the 80s, that's what I read, so you will tell me if I'm wrong or not. Maybe 90s and then really downfall, and then it's coming back again. So we'll begin in French with Olivier. J'ai Olivier, je vais vous présenter. Mais, alors, oui. D'abord, alors, effectivement, tu fais la traduction Oui, ou non ouais. Non. Alors. Ok. On va arriver à cette histoire de. Tu peux traduire, tu peux le faire en anglais, je peux traduire en anglais si tu veux, mais. Ça dépend si tu veux qu'elle comprenne ce que tu dises. Je peux le faire en anglais. C'est peut-être meilleur. Ah oui, il va être en anglais. Il va être en français. C'est juste. So, Mariam Kandelaki. She's the artistic director of Nicosi Festival. Donc, hop, Nicosi Festival. The website. And she's also a filmmaker, animation filmmaker, and also an animation film producer with the company Quali 21. And you know that I know some things about the history of Georgian animation, but Mariam knows much better than me. So if you want something about it, she's the specialist. Productrice de films d'animation, directrice du festival de Nicosi, et réalisatrice aussi. Et Olivier dit, bah, si lui, elle connaît pas mal de choses quand même sur l'animation georgienne, elle en connaît largement plus. Donc si on veut lui demander des choses, ça sera plutôt à elle. On va pas trop travailler sur l'histoire, on va parler du présent, mais enfin, on aura deux, trois petites choses. Just to correct you, maybe the real start of Georgian animation is probably the feature film My Grandmother, who is mixing live action and animation, and there is wonderful animation shots in the film, and the film is a masterpiece. It's absolutely wonderful. Very funny. It's 29. 29. Mm. 29. Donc le premier long, la base de l'animation en Géorgie, ce qui est assez étonnant, parce que c'est souvent des publicités ou des choses comme ça. Là, c'est un long métrage qui mélange prise de vue réelle et séquence d'animation, visiblement. Le wonderful comédie, ça fait une comédie. Comédie magnifique, 1929. And Anna Chouinte is a filmmaker, illustrator and filmmaker. I met her as an illustrator, and now she's a filmmaker, animation filmmaker. So she has a film competition here in Nancy, The Pocket Man. It's her first film, but there will be many others. Donc voilà, il y en a qui l'a rencontré, qui est illustratrice et réalisatrice, qui l'a rencontré, elle était illustratrice, maintenant elle est devenue aussi réalisatrice. Et elle a un film qui s'appelle Petit Bonhomme de Poche, qui est ici en compétition jeunesse. C'est son premier film, mais Olivier le dit, et Cécilie en aura un autre. Il connaît bien. Just maybe like one word, because we'll talk much more about what's going on today, of course, but about the history of animation in Georgia. It was really huge. In what, the 50s, 60s, that was really the most important part in the of Georgian animation? First of all, morning to everybody, and thanks for inviting. Yes, so in Georgia, it started in 1920s, and it was such a small show reels, like political propaganda movies, but the first animation appeared in artistic film. It was 1929 by Kotami Kabelidze, My Grandmother is Calling, and it's very eclectic, so it's like live action plus 2D animation application, like cutouts and even the puppets. And after that, in 1936, then appears Argonauts by Mujiri, Vladimir Mujiri, and there was difficult situation, political situation, then Second World War, so it was kind of gap at that time, but the artists, they were keeping to do this political showreels, so to say, the Bolshevik propaganda little animations. And after in the 50s, then developed already Disney style in Georgia, and as I know, at that time, the animators got from Moscow, in Georgia, they received from Moscow the copy of Disney films, and they were they took the films and they were redrawing frame by frame. So that you should let him translate a little bit. Donc, ça commence dans les. Donc, je vous demandais juste de me dire un tout petit peu, parce que je pensais que dans les années 50-60, c'était là où l'animation arrivait. Donc, ça commence dans les années 20 réellement. Donc, c'est avant tout des petites bandes politiques qui sont faites par des auteurs, c'est surtout ça. Et arrive en 1929, donc le film Ma grand-mère, donc de côté Mikabelite. Voilà. Donc qui est ce premier long métrage qui donc, mélange donc, non seulement l'animation, mais c'est de la 2D, du papier découpé, de la marionnette. Donc voilà, il y a vraiment un mélange très éclectique. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein. Voyez-le parce que c'est magnifique. Donc voilà. et en plus, je suis un spécialiste de tout ce qui est cinéma, de l'Est en plus, donc voilà, de l'ex-Est. Juste, artistique, on sait là où c'est arrivé en 1936, c'est Argonautes qui est réalisé par un peintre. Géorgien très célèbre s'appelle Lado Bulacchelli. C'est difficile, mais on va y arriver. Il y a eu ensuite un moment de guerre, évidemment, qui est compliqué, sur lequel peu de films sont faits. Il y a toujours ces propagandes bolcheviques, on va dire, qui sont faits par des artistes. Et dans les années 50, en fait, les films, ils commencent à faire des films très très disneyens, parce que les films sont envoyés de Moscou, en fait, en Géorgie, et les auteurs retravaillent, en fait, image par image, à la main de Disney, en fait, leurs films. And at that time, so they were doing Disney style, but it was in Georgian humor and with Georgian. There were no gags like Disney would have, but they transfer this style into Georgian characters. So therefore, it's interesting, I think, for everybody. Voilà, donc c'est même si ça prenait évidemment le style de Disney, ça prenait le style, on va dire, graphique, mais pas forcément l'humour ou la comédie, ça restait très géorgien, enfin ça prenait l'humour géorgien avant tout, et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant justement de les voir. And afterwards, there is coming such a wave of kind of Zagreb school. So we have also very interesting films. And for example, the short film Little Man was even in Annecy at that time, so in 70s, 80s. Ok, donc évidemment il y a la fameuse école de Zagreb et il y a on va dire un site d'animation un petit peu comme ça qui arrive en Géorgie, hein. Il y a une vague notamment après-guerre jusqu'à ce qui va arriver notamment dans les années 70, un film qui s'appelle Petit Homme et qui va être même en compétition ici dans les années 70 à Annecy. And there comes the most successful time for Georgian animation, the five directors from there was launched the directing faculty in the Film Institute, and then from the five directors, one was most successful. He got in 1985 in Cannes prize for in short film competition. His name is David Tarashvili. He passed away with his 29, but he managed to make five beautiful films. One of them, Flag, was prized in Cannes in 1994. Best short film. The short film, short animation. Donc il y a un moment qui est très important dans les années 80. Moi j'ai lu, c'était une nouvelle vague qui est arrivée, hein, avec notamment cinq auteurs qui étaient très dans la même université et qui ont amené, on va dire, quelque chose de nouveau, et notamment donc l'un des cinq qui s'appelait David Takashvili. D'accord, David Tanéché, donc voilà, qui malheureusement est mort, donc est décédé assez jeune, 29 ans, hein, très jeune, et qui a quand même eu le temps de faire 5 films, et sur ces 5 films, un notamment a connu beaucoup de succès, puisqu'il a eu la Palme d'Or du court-métrage à Cannes, ce qui est assez rare en plus pour l'animation, donc voilà, c'est aussi exceptionnel pour la Géorgie que pour l'animation. And these films were made in the studio Quali 21. Which exists until now, magically, I would say. And of course, 90s, because of difficulties and because of Soviet Union collapse, so there was a big gap again. And but the artists, they couldn't produce films, but they didn't stop to think and to create scripts. Donc c'est Quali 21, hein, c'est ça, le 21 qui est ce studio où a été fait notamment le film et les films de ce réalisateur donc, qui a eu la Palme d'Or, existe toujours aujourd'hui, c'est un peu un miracle en effet. Beaucoup de studios évidemment n'existent plus forcément, puisque après ces années 80, il y a eu les années 90, bien sûr l'effondrement de l'Union soviétique que vous connaissez, donc d'un seul coup il y a eu une vraie difficulté, on va dire, de créer d'animation à l'époque. And exactly, so Quali 21 is the same age like Folimage, and it's really such a coincidence that the first Georgian French co-production exactly between Quali and Folimage. They're the same age. Et donc Quali 21, qui est donc le studio, a le même âge que Folimage, donc il y a un monsieur français, donc c'est un peu quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez étonnant que la première coproduction géorgienne et française, en fait, soit entre ces deux studios, importants évidemment dans les deux pays. Thank you for this. So in a really short time. Thank you so much. Olivier, on peut dire qu'aussi, alors très rapidement, we'll just ask Olivier about that live-action film at one point in Georgia, and of course one of the main known directors is Sergei Parajanov, of course, and a été aussi très important aussi dans cette époque-là, notamment années 80-90, et peut-être moi ce qui me surprend le plus, et juste pour vous montrer, hop, juste un tout petit peu, c'est que c'est quelqu'un, évidemment, c'est, voilà. Ça va être Nova, Parajanov, et nous, qui en plus un cinéma Parajanov, qui est aussi un cinéma très graphique, très, très, très visuel. Tu peux juste, alors c'est juste parce que je trouve ça important de voir qu'il n'y avait pas que du cinéma d'animation, qu'il y avait un cinéma aussi, il y en a plein d'autres. Hein, il est surtout connu pour son cinéma en violet, à Géorgie, et il y a effectivement, Parajanov fait partie des grands noms du cinéma géorgien, bien que ce soit un arménien de Géorgie, mais la Géorgie est un pays ouvert de nombreuses cultures voisines, et donc ils ont adopté facilement Parajanov. Il y a aussi Dario Seliani, qu'on connaît bien en France, qui est peut-être le cinéaste géorgien le plus connu dans mon contrée, et Tanguy Zabulazé, enfin un certain nombre de les frères Shangelaya, etc. Moi, c'est ce cinéma-là que j'ai découvert quand j'ai découvert la Géorgie, et effectivement, c'est un vrai cinéma, et de culture en général, d'art en général. Comment toi tu redécouvres, tu connais, mais comment Ous, a little talk in French, just because for the time also, just about Olivier got involved actually in the collaboration with Georgia. Donc toi, c'est à travers ça, tu connaissais déjà, tu es un connaisseur évidemment de cinéma d'animation, tu connaissais déjà un petit peu le cinéma d'animation, peut-être le film qui a eu la Palme d'Or, enfin ce genre de choses ou, J'ai d'abord découvert le cinéma géorgien, donc. Live en fait, en durée. À l'époque, je ne connaissais pas forcément tellement l'animation, j'étais étudiant. Et c'est après que j'ai découvert l'animation géorgienne, mais j'étais déjà très amoureux de la Géorgie, donc je me suis intéressé parce que j'ai travaillé chez un distributeur qui s'appelle Archeon Film et qui avait repris le catalogue des films de l'ex-Union soviétique après la chute de l'URSS. Et donc j'ai passé un an chez ce distributeur à leur faire une base de données de leurs films d'animation, soit à peu près un millier de films longs et courts-métrages de l'ex-Union soviétique. Et donc j'ai vu effectivement énormément d'animations géorgiennes à ce moment-là. J'ai fait un programme à Paris, l'Animathèque de l'AFCA, j'ai écrit un article aussi sur l'animation géorgienne à cette époque-là. Et en fait, la première période avec la Géorgie, pour moi, c'est quand j'étais étudiant que j'ai découvert le cinéma géorgien et que je m'y suis intéressé dans le cadre de mes études en anthropologie. Deuxième période, c'est ça, sur autour de l'animation. Et la troisième période, c'est quand j'ai rencontré Mariam à Annecy et qu'on m'a dit « Ah, il y a une Géorgienne là, qui organise un festival. » Voilà, donc je me suis retrouvé à Nicosie dans ce festival. Et de façon assez curieuse, quelques mois après, Géraldine Bachet du MIFA ici m'appelle pour me dire on va faire un atelier en Géorgie, peut-être que ce serait bien que tu fasses ça, on a pensé à toi. Et c'était une pure coïncidence. C'est ça qui est étonnant, quoi. Et donc je me suis retrouvé, 6 mois après, de nouveau de retour à Tbilissi pour mener cet atelier où il y avait Anna. Why did Géraldine Bachet choose actually Georgia to do that? You were in touch with her? So I came here 4 years ago to Annecy first time, and I was participating in pitching, so I was watching how it works, I was making research, and so I realized that for such a small industry like Georgia, it's very heavy to get the place in the pitching. And then I decided to make such a project that we will have together with Annecy, with MIFA, a workshop in Georgia, and the winner will get automatically a place on a pitch. So that was for me the easy way how to sneak to this. Yeah. And I just say yes. Yes. Yeah, okay. Donc en fait, elle est venue il y a 4 ans pour la première fois au Festival d'Annecy. Elle participait à toutes les séances de pitch que vous pouvez avoir au IFA. Et c'était plutôt une recherche. Ouais, elle a regardé un petit peu comment les choses se faisaient. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas avoir la même chose en Géorgie. Ce n'était pas possible. Et donc, que peut-être la chose la plus facile, la plus évidente en tout cas, c'était justement de faire quelque chose, de faire un workshop, de faire un atelier donc en Géorgie. Et que le gagnant ou la gagnante de cet atelier en Géorgie en fait, pourrait venir pitcher à Annecy son projet pour essayer de trouver du monde et des producteurs. And it was really coincidence because I knew already Olivier so I let it to Geraldine to choose which producer would come, and then all of a sudden she was writing, yeah, I was talking with Olivier, so I was really so glad. Donc voilà, comme Olivier disait un peu, c'était vraiment une coïncidence qui s'est passée, c'est que il a dit et c'est Janine Bachet qui est celle qui est responsable des pitchs ici à Annecy, je ne l'ai pas dit, mais voilà, qui s'occupe depuis très longtemps de cette section. Tu choisis le producteur et elle lui a écrit quelques mois après, une semaine après, pour lui dire Olivier Catrin, qu'elle connaissait déjà, et bien parce qu'elle était venue au festival, et donc elle était très contente évidemment de la coïncidence. And the result is really great because 2 years ago, when she was presenting project here, She made the film, now she's in competition. The follow-up is amazing. Oui, on t'a parlé de ça. C'est assez incroyable ce qui s'est passé, puisque c'était il y a à peine 2 ans, elle était là pour présenter son projet, et puis maintenant elle est en compétition avec ce même projet, donc il y a quelque chose, voilà, c'est la suite de cette aventure est assez étonnante. Comment s'est passé cet atelier? C'est-à-dire qu'ils avaient prévu. We'll talk about the workshop. So it was done. I mean, everybody had a, I don't know how do you say dossier in English. A file. Mm-hmm. That's not fun. Project, yeah. Mm-hmm. Project, yeah. Mm-hmm. Well, everybody had their own project with a lot of illustration, thing like that, and you just came and said, oh, my name is Olivier Catrin. I was proud of you being big in the world of animation. Je me demande aussi voilà, comment c'est passé, est-ce qu'il y avait des dossiers, il y avait des projets, et Olivier est arrivé pour leur dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Mariam, avec le centre du film géorgien, on lançait un appel à projet donc quelques mois avant, et donc on a reçu un certain nombre de projets, et on en a choisi 6. Donc c'était 2-3 dessins, un synopsis, une note d'attention, en gros, hein. Donc quelque chose d'assez basique. Et donc on a gardé 6 projets. Moi j'avais jamais fait d'atelier à ce moment-là, mais j'avais mon expérience de producteur qui sert pour ce genre de choses. L'idée était à la fois de travailler sur aider les gens à développer le contenu du projet, le cœur du projet, et de les amener à pitcher. C'était beaucoup un exercice de présentation orale de ce projet, mais les deux sont liés. Quand le projet du film n'est pas clair, on est incapable de le pitcher correctement. Donc c'était vraiment très lié. Et donc on a improvisé avec des gens qui, pour certains, étaient vraiment déjà des professionnels de l'animation, on va dire, mais d'autres qui étaient beaucoup plus débutants dans ce domaine-là, puisqu'on était quand même dans une période où il y avait peu d'activités dans l'animation géorgienne. Donc des gens venant d'horizons différents, et d'ailleurs dans les ateliers suivants aussi, avec des gens venant notamment de l'illustration et de l'architecture, beaucoup de gens d'architecture aussi, mais peu vraiment formés en animation, si ce n'est de manière autodidacte. So Anna, we know now that there was a call for projects for this workshop. Why did you apply? You were an illustrator, you wanted to do animation for a long time, or it was just like, why not, participate? So it was like 5 years ago I had this project, and there was a contest in Georgia, which did the Georgia National Film Center, and they gave, we were 2 in the team, and they gave us a little money to have a project development. And it was like my first touch to animation, and it was so difficult for me. Like 1 year we were doing this test, different versions of storyboard, different versions of script, and I couldn't find some people in Georgia who could help me because I had no education in this field. So it was really, really difficult for me, and after we decided to stop this project. And after our stop, 2 years went, and there was this workshop, and I really wanted to go again with this project. And I thought maybe Olivier, but I didn't know him before, maybe he can help me in this project. And I applied, and I remember how I was confused and how I was not sure in everything what I was doing. Like Olivier was asking me, why you want to do that? What is it? I don't know. Sorry, I have no idea. And in one week, we together worked on this project, and I was more sure in things, and I get more strong in the. Donc en fait, je lui demandais, vous avez compris pourquoi elle était illustratrice et lancée comme ça dans l'animation, parce que c'était la première fois. Elle dit qu'en fait, il y a cinq ans, il y avait un projet qu'elle voulait faire. Ils étaient deux, elle voulait faire un projet, et ils ont eu l'argent du Centre National Géorgien, donc un petit peu d'argent qui lui a permis de développer le projet, mais elle s'est rendu compte que c'était très très difficile. Il fallait un an pour faire des tests, il fallait un an pour faire un premier test, pour faire des storyboards, et en fait elle s'est rendue compte qu'il n'y avait personne malheureusement en Géorgie qui pouvait l'aider. Elle avait aussi pas de code, pas de contact, elle ne connaissait pas le monde de l'animation, donc elle n'avait personne pour l'aider. Donc ils ont décidé d'arrêter ce projet-là, et quand il y a eu l'appel à projet, elle s'est dit, elle ne connaissait pas Olivier, elle s'est dit, peut-être que lui peut m'aider, peut-être que la personne qui va venir, on va dire, de France va pouvoir m'aider, et elle se rappelle très bien, donc quand elle a été choisie, Olivier expliquer bien pourquoi ce projet-là a été choisi, mais quand elle a été elle-même choisie, qu'elle était très embarrassée parce qu'à chaque fois, lui, elle disait « c'est pas méchant, et pourquoi tu veux faire ce projet, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet ?» Et elle a dit « je sais pas, je suis complètement confuse par rapport à ça », et qu'au bout d'une semaine, bah, c'est ça qui était bien, c'est que très rapidement, voilà, ça s'est mis en place, et que les choses étaient plus en place, on va dire, au bout d'une semaine. Pourquoi ? Pourquoi quand tu as lu le projet d'Anna, ça a été une évidence pour certains, ben, là il y a quelque chose d'important à développer En fait, j'ai commencé par l'atelier en leur demandant de présenter de façon très libre leur projet, c'est ce que je fais toujours. Et Anna avait déjà une petite séquence d'animation qui était très belle visuellement, avec même des séquences animées qui étaient vraiment très réussies, il y avait déjà quelque chose de fort là-dedans. Mais c'est vrai qu'on voyait bien que le projet était confus dans sa tête. C'était voilà, un projet un peu laissé de côté. Alors je ne savais pas, à ce moment-là, je n'avais pas d'idée que c'était elle qu'on choisirait à la fin. Finalement, ce qui a été décisif, c'est plusieurs choses. Probablement, ce petit thème d'animation a été important, parce qu'il était quand même très convaincant. Le fait qu'elle ait eu la capacité en une semaine de tout reconstruire le projet et arriver à quelque chose de convaincant, donc une espèce de force de travail, de création qui était assez impressionnante. C'est celle qui a le plus progressé, qui a le plus bénéficié de l'atelier. Et puis aussi une qualité qui est rare, c'est qu'elle dégage une énergie, une envie de travailler avec elle. Et c'est extrêmement important en tant que producteur, on sait que c'est... Donc ça donne envie à un producteur de travailler avec elle, ça donne envie à des techniciens de travailler avec elle, et ça s'est complètement vérifié, puisque dès que je l'ai fait rencontrer Foy Image, dès qu'elle a rencontré l'équipe, elle a su créer une espèce d'énergie autour d'elle qui est la marque de la réussite de ce film. Donc voilà, un talent artistique, une capacité de travail, et cette capacité à générer de l'énergie. Et c'est plein d'énergie, plein d'énergie, plein d'énergie, plein d'énergie. Et donc, on est là parce qu'on fait cette année deux courts-métrages. On va attendre un tout petit peu. Il y a deux courts-métrages qui sont en compétition. Un titre short film, une compétition completely different. So wait a bit, we'll show some images, but Anna, maybe you can say, Anna, you remember the time when you were in Nancy to do the pitch? I remember, because Olivier. Yeah. Sorry. It was something, I don't know, great, because, okay, that's maybe one step further, you know, accomplishment of the film, but it was also, I'm sure, a little bit scary. Yeah, it was so scary because people were so professional on this pitching, and I was sitting and watching them. Oh my god, I cannot be like professional like that. And Olivia told me, Anna, don't worry, just be yourself and just show who you are. And this was easier for me. I thought, okay, I can do that. And there was a lot of people, as I remember, and a lot of people got interested after the pitching. They asked me questions, and it was very big experience for me, and during these pitchings, I got more and more sure for my ideas and what I really want to do with this film. Just to say one thing to my guests, sorry, we're a little bit late, but we will do it. One of my last guests is here, but I said, well, I'm going to be a little bit important, and I'm going to wait for the other. Very big, I don't want to be in the salle, sinon je vais arriver, voilà, je... ça fait partie du jeu. Je lui demandais en effet, évidemment, en ce moment, est-ce qu'elle se rappelle de son moment où elle a pitché le film. Elle dit, bien sûr, je m'en rappelle bien. C'était quand elle est arrivée, il y avait tellement de gens professionnels, elle pitchait de manière tellement professionnelle qu'elle s'est dit, moi, hors de question, je ne vais jamais y arriver. Et Olivier a eu cette phrase, qui est la phrase que vous pouvez, pour vous, à mon avis, garder en tête, c'est non, sois toi-même. Tu vas voir, ça va bien se passer, soit toi-même, c'est un bon projet derrière. Mais voilà, soit qui tu es, et elle a dit à partir de ce moment-là, bah, c'était beaucoup plus facile, et je me suis complètement libéré, ça s'est fait. Et après, le pitch, il y a plein de gens qui sont venus la voir, les gens étaient très intéressés par le projet, en lui disant, bah, voilà, en donnant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ces retours qu'elle a eus lui ont permis aussi de mieux comprendre le projet, de dire, ça, je veux vraiment le renforcer, ça, ça va être un peu moins bien, et ce genre de choses. Ouais. c'est un truc fondamental, ça, c'est que quand on présente un projet de court-métrage, on présente une œuvre personnelle, donc c'est pas un exercice de présentation, c'est montrer qui on est, parler du projet, mais parler de soi aussi. Donc c'est important d'être personnel et d'avoir une présentation qui ressemble à ce qu'on est, nous, et le projet, normalement tout ça est lié. Ouais, ce qu'on disait juste avant parce que t'es pas là, c'est cette idée évidemment d'avoir aussi l'idée de travailler sur quelque chose de très pédagogique, d'expliquer réellement quel est le projet, pas forcément en partant des choses complètement poétiques, etc., tout en restant soi-même en fait. C'est un équilibre qui est assez difficile. Yes. I just want to add some words about the workshop, and it's really this workshop which is launched with the Georgian National Film Center, MIFA, and Nicosi Festival. It's really like a bright light in this dark tunnel, I would say, compared, because the young animators, they are so motivated. In Anna's example, so the first applications, there were 9 2 years ago. Last year it was 18. So it's really doubled, and they are motivated to work the whole year on the project and to, and it's really new wave of Georgian animation, I would say, and already the international press is paying attention to Georgia. And the second film, Gino, by Dato, with other project, he was also participating in Olivier's workshop. So. Same workshop. Donc voilà, je voulais rajouter, il y a deux, trois petites choses par rapport à l'atelier qui a été fait donc, entre le Centre National Géorgien de Cinéma, entre le Festival de Nicosie et le MIFA ici, et dit pour vraiment dire à quel point, et c'était aussi un peu la base, et on a besoin d'appui aux politiques, ou la festival, enfin on a besoin de ces appuis-là pour, là c'est moi qui rajoute, c'était pas ma traduction, mais c'est vraiment important de comprendre ça aussi, d'avoir de l'énergie pour avoir ces appuis-là, pour ensuite pouvoir faire cet atelier qui est, comme elle dit, c'est une véritable, c'est une lumière qui apparaît dans un tunnel très sombre, hein, parce que il y a toute une génération de jeunes auteurs comme Anna qui ont une énergie, qui ont une motivation pour faire ces films, qui ont vraiment envie. Évidemment, il n'y a rien, donc c'est vraiment important. Et le deuxième film d'Air Geno, c'est à participer aussi, lui aussi, à l'atelier d'Olivier, qui s'était. Donc, à quel point, voilà, ça les motive. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était 9 projets. L'année dernière, c'était 18, donc ça a doublé. Et donc, il y a vraiment une importance, évidemment, de cet atelier. On va juste regarder, alors, Geno, hop, je passe pas en entier, ça donne ça, hop, avec la musique. Et petit bonhomme de poche, sorry, and so we will be like 2 minutes of the film, just really quick glimpse. I don't know why she's saying, petit bonhomme de poche d'Anna, donc le film d'Anna, c'est dans ce style-là. Ok. Je vais avoir le petit bonhomme. Hop. Voilà. Il stoppe un peu. On a bien réussi. So quite different project. That's almost amazing that somebody's. I mean, the Georgian team is doing new things again, and it's such an already different style. Yes, I'm really glad that it's a really different style, and one it's in 3D, and that's the best quality 3D. This Gino is first Georgian-German co-production, so it's very important, you see, for Georgia to have a co-production in West Europe, because the subsidy of Georgian National Film Center is not so much, and without co-production we don't manage finish our films, or otherwise, for example, my film, it took like 3 years to finish my own film. So it's it's really I'm really happy that it's moving and it started a new way. Donc je demandais, vous avez bien vu la grande différence qu'il y a entre les deux. C'est étonnant que Sylvain qui renaît comme ça déjà une grande diversité. Vous avez vu, c'était quelque chose de très important évidemment. Le 3D, vous avez vu avant Geno, qui est une très belle 3D qu'on peut faire aujourd'hui. C'est une production entre la Géorgie et l'Allemagne. quand même, on peut avoir donc pour les centres entre la Géorgie et la France, et que c'est évidemment absolument important. Les subventions géorgiennes ne sont pas assez importantes, on va dire, pour pouvoir finir un court-métrage. Ce court-métrage, ça fait plus de 3 ans à le finir. Et donc, c'est vraiment important ces coproductions. And it was, because I'm the producer of The Pocket Man, it was a great experience for us to work for with Folimage, and the background artist from Folimage was visiting Georgia, D.C., and working with the crew there, and then two young background artists went to Folimage with Anna together and learned how to work on cutout and background, so it was really exchange, and it was very important for the development of the industry in Georgia. Donc, il y a, ce qui a été vraiment beau dire, c'est vraiment l'échange qui est important qu'il y a eu, puisque travailler avec Folimage était quelque chose de très important et très beaucoup nourri, en fait, le cinéma géorgien, comme elle dit. Pour elle, c'est vraiment important, puisque des gens, des artistes de Folimage sont partis en Géorgie, ils ont travaillé avec, avec les gens, c'est important pour l'industrie du cinéma en Géorgie. C'est une toute petite chose, mais c'était important, pour eux. Et Anna, avec deux artistes, deux décorateurs, sont partis à Folimage pour apprendre à travailler tout ce qui est papier découpé. Vous avez vu, c'est du papier découpé, et apprendre ça. Et donc, c'est important, évidemment. And you told me in Zagreb, last week we were together in Zagreb, that you learned a lot, because that was really, you said it was more important even not that the film, but it was really like to learn a lot of things from Folimage. Yeah, it was really, I can't say that I finished the school of directing, because the team was so full with directors themselves, and all were understanding my situation, that it was my first film and I had no education, and everybody was helping me, explaining me how to do storyboard, how to write script, and every details like that, and how to do these puppets, and I was observing every step, how they are working, and for example, I had no idea how Folie artists works, or I don't know, it was really a school for me. And also for my friends who were visiting Folimage, it was very important for them. And now we are trying to share our experience in Tbilisi, because a lot of people are writing me on Facebook that I want to do a project, what can you give me advice? Or, and I'm so happy that I can somehow help them after this project. And now also it's important for me that I'm not afraid anymore to do a film, and I can go on really. Look up, Olivier, really proud of what she says. That's good, satisfying. I want to translate that, because je lui demandais ce que j'ai rentré à Zagreb. Elle fait le tour du monde avec son film la semaine dernière, et elle disait à quel point, pour elle, ça avait été l'occasion de s'immerger là-dedans et d'apprendre des choses sur tout. C'est vraiment la chose la plus importante. Elle disait, oui, c'est comme si elle avait fait une école de réalisation, en fait, en étant à Folimage. Elle a eu plein de gens, et elle suivait tous les gens qui lui ont aidé à savoir comment faire un storyboard, un script, etc. Elle a tout appris, elle observait pour faire les marionnettes, elle observait chaque détail et toutes les choses importantes, et même les deux personnes qui sont parties avec elle, donc à Folimage, c'était très important. Ils ont appris énormément de choses, et surtout, ce qui est important, c'est que le retour en Géorgie, le retour à Tbilissi, en fait, elle se rend compte qu'elle peut aider les autres, et qu'elle a pu partager cette expérience, et notamment, il y a plein de gens aujourd'hui qui lui envoient des messages sur Facebook en disant, moi aussi j'ai un projet, est-ce que tu vois, est-ce qu'on peut s'aider, etc. Et donc elle devient l'Olivier Catrin de Géorgie, l'Olivier Catrin de Géorgie, elle donne ça, on va dire, et c'est très important, parce que d'un seul coup, elle vit aujourd'hui, elle a plus peur de faire des films, elle a plus peur de ça, et donc elle peut maintenant prendre ça à bras le corps. I would like to add, so as a producer, for me it was really huge risk, because she was a beginner and she never worked in animation, but Anna is so charismatic and her energy made me believe that it was really a huge responsibility to make first Georgian-French co-production, but we all believed in Anna, so thank you, Anna. And so it's now in official selection for 34 festivals. the Pocket Man, and it received already 5 prizes. So I mean, it's great. So lucky you've seen that this morning, and when. In 20 years, when she will be really famous. I was there at the beginning. Donc voilà, donc ce qu'il voulait rajouter, ce qu'il voulait rajouter, c'est qu'elle, en tant que producteur du film, c'était important, c'était difficile, parce que c'était un grand risque. Hein, c'était mon seconde invité est arrivé, c'est pour ça, parce que mon sourire et autres. C'était évidemment une très, très, très important, mais un risque, puisqu'elle avait bien commencé, donc forcément. Il y avait une problématique là qui aurait pu être très embêtante, mais elle a tellement de charisme, elle est tellement, voilà, que en fait, elle y a cru très rapidement et il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Et que donc cette première coproduction franco-géorgienne, elle a été commandée à faire pour ça, savoir que le film est sélectionné dans plus de 34 ce festival et qu'il a déjà eu 5 prix bon, à New York, voilà, qu'elle est maintenant notre famous. And we finished 1 week before the deadline for Georgia National Film Center, so that was really incredible. Et donc, on finit une semaine avant le deadline, hein, du National Film Center, donc du Centre National du Film, comme ça, en Géorgie. To work with people like Julia Renova, Sophie Rose, Pierre-Luc Rangeau, Antoine Lassio, it's kind of not a dream team of Puppet Animation in France, but almost. It was, again, quite scary, or no? Like you said, you are so into the film that it was like right away they just bumped you, it's like, okay, let's do the film, and you know. No, it was like a year before when I did pitching, Olivier gave me a chance, like he asked Corinne that if I can visit Folimage for 1 week, and I was in a shock when I saw, I had never seen a studio like that before. And I saw this team working there, and I could not even imagine that I would have a chance to work with them. Not like it was impossible to just imagine that they will work on my film as animators and like puppet makers. Or it was really shock. And when I got the mail after that, like this is your team, I was not believing. Oh my God, what can I do? How I work with them? But it was amazing, yeah, like Pierre-Luc was amazing, when he was doing animation, he was always giving me some advices to improve the script, like every day we were changing and adding some little details, and it was very good. And Sophie helped me a lot with like storyboarding and animatic, and so all the team was doing more than they were supposed to do, yeah. Donc je me demandais, parce que c'est une espèce de triptyque, parce que c'est un peu le volume, hein. On a Antoine Lancio, Pierre-Luc Rangeon, évidemment, Sophie Rose, même Juliana Renova, qui était plus jeune, mais enfin, voilà, qui est quand même partie des deux noms vraiment importants. Donc elle disait, je me demandais, c'était pas effrayant, ouais, elle disait, il y a un an quand elle est venue faire le pitch, ici on n'a pas dit un nom qui est très important depuis le début, j'aurais pu dire avant, qui est Corinne Détombe, bien sûr, hein, Corinne Détombe, productrice à Folimage, qui est de suite tombée amoureuse du projet, hein, dans ce qu'elle me disait, elle n'est pas là, mais. Elle m'en parlait, voilà, donc c'est vraiment un projet qui lui a tenu à cœur de suite. Et en fait, Olivier est là, il a demandé en fait à Corinne Détombe, elle a dit bah, est-ce qu'elle peut faire un tour du studio comme ça pendant une petite semaine. Et donc, elle a fait le tour du studio, et en fait, c'était un choc pour elle parce qu'elle est arrivée, vous voyez, tous ces gens très professionnels qui travaillaient, tous les noms dont on a parlé, c'était très impressionnant. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'un jour elle travaillerait avec eux. Et c'était encore plus un choc quand elle a reçu ensuite la liste des gens qui allaient travailler sur son film. Mais il y avait des gens qu'elle avait vus plutôt travailler. Elle s'est dit, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. C'est impossible. Et notamment Pierre-Luc Grandjean lui a beaucoup appris. Il était là, non seulement pendant qu'il animait, il donnait des conseils aussi sur le film, et ils ont changé des choses sur le film. Voilà, tous les jours, il y avait des choses qui changeaient. Il a appris beaucoup de choses sur le storyboard, l'animatique, etc. Et voilà, tout genre de choses. Le temps passe trop vite, évidemment, comme toujours. Est-ce que vous avez, pour qu'on ait le temps de parler, parce qu'on a aussi deux autres réalisateurs, mais Olivier, si vous voulez rester derrière autour de la table, je peux les amener. Si vous avez une petite demi-heure, ça peut être intéressant de vous confronter avec ces réalisateurs-là, puisque c'est aussi pays émergent de l'animation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça et par rapport à l'émergence? Je demande toujours sur une question. Where are the questions? because I'm poor, like anyone else to feel like that. We could have talked about a lot of things, and of course the Bakhtiar film. Naturally, audience have seen it, but why did you just get out animation just for? Because I wanted to keep the technique which I was using in illustrate when I was illustrating books, the technique we saw, it's acrylic and pencils. So I really wanted to keep that, and I'm doing pop-up books, and I really love to cut and everything that was mixing, and I love architecting, doing models, and so it was everything. I love this technique. When I saw the year before that Sophie was doing some magnet puppets, I really fell in love, and I wanted to do that. Ouais, je demandais pourquoi la marionnette, elle me disait le volume, disait, mais juste voilà, j'ai notamment fait des livres, un pop-up comme ça, elle adore, c'est l'acrylique, vous avez vu, vous regardez ce style-là, hein, ce visuel-là, mais aussi cette idée découpée, elle adore ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour elle. Donc voilà, c'était elle aime bien tout ce qui est ce travail-là, et bon voilà, donc c'est pour ça qu'elle l'a fait. It's a really tender movie. It's a really tender film. I mean, we have this little character who won't say love because it's, I haven't seen maybe the film, but it's just a nice way to say that we have to look around of what's going on and not to stay on boxes and everything. That's something like even that. Even our box is nice. We have to. Voilà, je disais, c'est un film très, très joli, vraiment, c'est un film tout le monde qui dit, ben, ne pas rester, voilà, elle disait, même si notre boîte est jolie, il ne faut pas rester dans notre boîte, il faut regarder un tout petit peu. Je vous en dirai pas trop, je ne suis pas sûr que, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais voilà, donc je vous en dirai pas trop par rapport à ça. Olivier, est-ce qu'il y a un mot, le temps évidemment est toujours trop court ici, est-ce qu'il y a un mot là dans tout ce qu'on a dit, pas suffisamment, qu'on n'aurait pas dit, est-ce que toi déjà, on peut poser la question, est-ce que je pense que là maintenant il y a de l'avenir, en tout cas du cinéma géorgien avec tous ses talents. C'est quelque chose de, pas pérenne, hein, parce qu'il y a de l'argent, des choses comme ça, en tout cas. Oui, évidemment, c'est pas suffisant de faire des ateliers, d'accompagner des... Alors moi, j'ai la capacité, effectivement, d'aider les gens à améliorer leur projet, à les présenter, à leur présenter les producteurs. Je suis content parce que tous les films qui sont sortis de cet atelier, on a trouvé des coproducteurs en France. Ça, c'est une chose, mais évidemment, il faut une volonté de l'État, de l'argent, un peu de moyens. Il n'y a pas d'école d'animation en Géorgie, c'est indispensable. Il faudra qu'à un moment, on arrive à avoir ça. Dans des tas de pays du monde, il y a des talents. Ce qui manque, c'est l'accompagnement. Alors, le Festival d'Annecy commence à faire un travail absolument formidable de ce point de vue-là, en menant des ateliers dans le monde entier, pour aider à faire émerger les talents. Et c'est la première goutte d'eau, c'est la première étincelle qui permet d'amener les choses. Après, il faut que ça suive et que les gens puissent être vraiment accompagnés. Alors j'ai fait un atelier à Caracas il y a pas longtemps, je vais probablement en faire un bientôt en Équateur. Donc voilà, on peut aller un peu, et je ne suis pas le seul, Corinne Détombe passe son temps aussi à aller de temps en temps à faire des ateliers à droite, à gauche dans le monde pour essayer d'accompagner tous ces talents. Et d'abord, c'est très exaltant à faire. Oui, c'est pas si mal. Ouais. Et puis, on a l'impression de faire bouger les choses. Quoi. Voilà, j'espère qu'il y aura des films vraiment du monde entier dans ce festival bientôt, grâce à ça. Just a really quick word, because you have. Actually, I'm sorry to really. Not enough time, but. Do you think, Olivier was saying that, of course, there is a lot of great talent in Georgia, actually, in a lot of countries, there is great talent, but they need to be, you know, that's what we understand this morning, accompany with people and funding from the States and everything like that, because it's not going to work, and it's good that Annecy Film Festival, for example, show film from Georgia, film from all this country, because maybe it will help, and we will talk about Abhishek just there, but in India also, and you know, it helped that they're going to show that kind of film in Nancy, and maybe in your own country, because you said the press, I read a lot of things on the internet, you know, with the press, Georgian press, two film in competition in Nancy, and thing like that. So what do you think? It's very important, definitely, that we manage, and we are here with two films. But for example, Nikoji Festival is trying also to bring the animation industry to develop animation industry and to screen the films from the whole world. For example, we have every year an Annecy winner program in Nikoji Festival, and for example, Marcel Jean was visiting us, the programmers are visiting us, so there is this exchange from French side, they come to visit us in Nikoji, and they get known people there, so that they can. For example, last year we had the Nothing competition, the short film from Tsipelashvili, and it was like in Nikoji, he had his DVD and he gave Sebastian, you know, here is my film, yeah, maybe you like. So this exchange is very, very important. Donc l'échange est important, comme vous l'avez compris, important parce que si Nikoji, ils ont une séance à Annecy, donc avec voilà les festivals qui passent à Annecy, et souvent des gens. Les films qui passent. Les films, oui, les festivals, pardon, je commence un peu à. Des films qui passent à Annecy. Je suis désolé pour le retard, c'est vrai que je ne pensais pas, ce matin, on a dû traduire aussi pour Lupus, puisque le réalisateur, et ça nous avait pris du retard, donc c'est pour ça que je suis un peu, j'essaye, pour ne pas vous retenir trop longtemps, et tenir évidemment tout le monde trop longtemps aussi pour l'aide de l'équipe. Donc, il y a les films qui passent, et donc il y a les gens, alors la sélection, Marcel Jean, Sébastien, voilà, qui viennent et qui rencontrent les réalisateurs, et des fois il y a des réalisateurs ben, voilà, qui vont donner directement les DVD en disant ben, voilà, ça c'est mon film, tu verras bien, etc. Et donc cet échange, finalement, je pense de montrer aussi des films professionnels étrangers, évidemment aux jeunes géorgiens et l'inverse, est vraiment absolument fondamental. Un dernier mot d'Olivier, désolé, mais voilà. Et je vais demander à Chef. Entre l'atelier au mois d'avril en Géorgie avec Anna et le festival d'Annecy, j'ai fait l'effort d'essayer d'envoyer tous les jours au moins un film à Anna pour qu'elle regarde, pour qu'elle découvre toutes les merveilles de l'animation. Je sais, we're sending you one film every day. Yeah, that was so important because I didn't know where to watch animation films. And I was interested in it, and Olivier told me I will send you one film in a day. I did the list of them. I was copying and pasting in Word file, and now we have a big like library. Donc de l'importance de voir les films, absolument, parce que voilà, Olivier envoyait donc un film tous les jours, et elle a dit oui, c'était très important, je n'avais pas regardé, etc. Et donc il y avait ce film tous les jours, elle a fait une liste comme ça, et elle avait comme ça une grande bibliothèque de films. Merci beaucoup à tous les trois. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.